La troupe artistique Wang Jiesen, en tournée locale, a donné sa représentation depuis le 19 octobre à la ville de Sinizhou, de la province du Pingouin du Nord. Y ont assisté les ouvriers du complexe mécanique de Lagun, de la fabrique de chaussures de Sinizhou et de l'usine des produits cosmétiques de Sinizhou, les travailleurs agricoles de la ville de Chongzhou et des arrondissements de Liangchun et de Kwaksan, ainsi que les travailleurs et fonctionnaires de divers milieux de la ville de Sinizhou.